France Inter, franceinter.com. Pendant des dizaines d'années, ils ont cru échapper au passé. Et puis soudain, il a suffi de la simple diffusion d'un film de télévision pour que le scandale éclate. Les Kant, propriétaires entre autres de la firme BMW, doivent aujourd'hui faire face, leur famille, comme d'autres grandes familles d'industriels allemands, a bâti une partie de sa prospérité sur les monstruosités nazies. D'ores et déjà, les Kant ont annoncé qu'un historien sera chargé d'examiner les archives familiales et de faire la lumière sur les liens tissés entre leur entreprise et le régime nazi. Des liens très anciens qui, c'est ce qu'a affirmé M. Wick la semaine passée, doivent beaucoup à une très jolie femme, Magda, épouse de Günther Kant, avant de devenir celle du ministre de la propagande d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Magda, qui dans une première vie s'est appelée Friedlander du nom juif de son beau-père et a aussi connu un premier grand amour avec un certain Viktor Arlosorov, futur dirigeant sioniste. Alors je vous propose de retrouver le récit de M. X au moment où celui-ci raconte comment, au tout début des années 30, Magda Kant, riche et belle divorcée, est subjuguée par l'orateur Goebbels et adhère sans restriction à l'idéologie nazie. Otto est une tata d'automne, pleine de tickets de toto, qui sont aux têtes les tétés, en se titillant les tétons, et sa mitraille de fer. Sur la tortore, il se tape des tonnes de steak tartare. Puis Autorote et jette au hautain son être au trou des dinettes, son gros pétard pété fait. Magda n'a pas encore rencontré Goebbels, qu'elle est déjà séduite. Elle a quand même entendu et vu prononcer un discours. Hein, elle ça, a été immédiatement, littéralement fascinée. Et dès lors, elle n'a de cesse de lui être présentée. Ouais. Ce qui ne doit pas lui être trop difficile, étant donné ses relations au sein de ce club UP, l'approche du parti nazi qu'elle a commencé à fréquenter. Le Nordisch Ring, ouais. Où l'on trouve même un rejeton des Hohenzollern et d'autres aristocrates qui sont déjà acquis aux idées d'Hitler. En même temps, je vous l'ai dit, Magda rend des petits services au Parti National Socialiste, où elle s'occupe en particulier des archives de la presse. Ouais, et vous m'avez dit que c'était une sorte de dérivatif pour cette femme désœuvrée. Et qui s'ennuie. Mmh. Elle a beau avoir un jeune amant, un fils, et disposer de toutes les facilités pécuniaires que son généreux époux lui a consenties lors de son divorce, son existence lui semble en effet terriblement vide. Elle aspire à briller, à être reconnue. Ouais, et là, c'est aussi une revanche sur une extraction sociale modeste. Certainement. Hein. Ouais. Et dans cette course à la réussite, alors, l'engagement politique ne joue pas forcément un grand rôle. Non, non. Il suffit de constater avec quelle facilité cette jeune femme, d'abord philosémite et même acquise à l'idée sioniste, va soudain se précipiter dans les bras des nazis. Alors, à l'automne 1930, elle réalise enfin son rêve. Elle peut approcher son grand homme, Joseph Goebbels. Ici, il faut tout de suite dire qu'à l'issue des récentes élections législatives, le parti nazi vient de remporter un étonnant et très inattendu succès. Avec une centaine de députés, il est désormais la deuxième force politique représentée au Reichstag. Une ascension qu'il doit en particulier à Goebbels. Hein, ce dernier s'est en effet dépensé sans compter et en organisant des centaines de meetings dans tout le pays. Il a martelé les slogans nazis, attaque contre le traité de Versailles et les réparations imposées à l'Allemagne, accusations haineuses contre les communistes et les juifs. Et puis il y a le contexte, la crise économique et le chômage. Ouais. Et ce succès électoral rejaillit donc sur Goebbels. Forcément. Le Gauleiter berninois, c'est-à-dire le chef régional du parti nazi, est devenu un personnage incontournable. Le petit homme boiteux, physiquement disgracié, est passé du statut d'agitateur local à celui de responsable politique de premier plan. Même s'il n'a pas renoncé à ses méthodes brutales en incitant les hommes de main du parti, les sinistres SA, à faire le coup de poing dans la rue, ou bien encore en propageant dans son journal des allégations mensongères contre les juifs. Alors, cette rencontre entre Magda et Joseph, là. Elle a lieu dans les bureaux du parti nazi à Berlin. Et le coup de foudre aurait été réciproque. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grimm was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close to. There are some clues about Grimm's graves in the countryside nearby. A ruined castle. A church next to it in the village of Wheating. A ruined priory at Thetford. It's the material they're built out of which is important. Flint. It's a strange mineral, a bit like glass or stone. White and chalky on the outside, it's hard and shiny when split. Goebbels est certain a mené ou fait mener une enquête sur Magda. Ah, il a découvert ses affinités avec les Juifs alors. Son ancien attachement à Victor Alosorov, un homme dont on parle de plus en plus dans les milieux sionistes internationaux. Mais aussi l'existence de ce beau-père juif, Friedlander. Ah, et pour Goebbels, oui, ça fait tâche. Et évidemment, il ne faut surtout pas que cela se sache. Ce sera longtemps une obsession de Magda et de son amant, puis époux Joseph Goebbels. Et ça explique l'indifférence de Magda. Oui, quand elle n'interviendra pas pour sauver son beau-père, emprisonné dans un camp de concentration. Un homme qui l'a pourtant tendrement aimé. Et qui mourra à cause des sévices et des exactions qu'il subira dans ce camp. Hein. Et Magda ne fera pas un geste en sa faveur. Alors qu'il lui aurait sans doute été facile de lui épargner cette horrible fin. Mais elle ne voulait plus rien savoir de ce passé où elle avait manifesté une si vive sympathie pour les Juifs. Je vais y revenir à propos d'un autre destin tragique, celui du premier amour de Magda, Victor Alosorov. Mais en attendant, poursuivons. Si Goebbels la querelle à propos de son passé, en revanche, il apprécie beaucoup le confort dans lequel vit sa maîtresse. Ouais, son bel appartement berlinois. Et aussi une luxueuse propriété campagnarde que Kant, bon prince, lui a permis d'occuper à sa guise et d'y inviter qui elle veut. Ces facilités permettent à Goebbels d'inviter la fine fleur du nazisme lors de réceptions où Magda fait la démonstration de ses qualités d'hôtesse. Ouais. J'imagine que Goebbels doit être fier d'exhiber sa nouvelle conquête. Hein. Au fait, l'amant, le petit amant étudiant là. Ah, le petit étudiant, oui. Il a rapidement laissé la place et disparu de la vie de Magda. Goebbels ne pouvait accepter d'avoir un concurrent. Bien entendu. Les deux amants filent donc le parfait amour. au moins tant que le nazi ne lui pose pas trop de questions sur son passé. Mais il reste à Magda une marche supplémentaire à gravir. Quoi, Hitler ? La jeune femme brûle du désir de le rencontrer. Bah, avec Goebbels, ça ne doit pas être trop difficile, ça. Certes, mais Magda veut arriver à ses fins toute seule. Enfin, je vous passe les détails, mais un jour qu'elle a déguisé son fils Harald en parfait petit mannequin pour jeunesse hitlérienne, elle se déroule pour se trouver sur le passage du chef du parti nazi. Ouais. Et Hitler remarque le petit garçon avant de porter les yeux sur la mer ? Ouais, c'est à peu près ça. Et visiblement, le futur chancelier apprécie cette rencontre apparemment fortuite. Ouais. Mais il doit savoir que Magda est la maîtresse de Goebbels, quand même. Bien sûr. Ouais. Tous les dirigeants nazis sont au courant, mais incontestablement, Hitler est frappé par cette apparition. Et sans doute d'abord parce que Magda est une sorte de représentation idéale de la femme arienne telle qu'il l'imagine. Et dès ce moment commence une véritable idylle entre le futur chancelier et l'ex-épouse de Günther Kant. Une idylle pas amoureuse quand même. Non, encore que... Que voulez-vous dire là ? Selon certains historiens, Hitler aurait songé à en faire sa compagne. Mais en réalité, c'était impossible. Pour quelle raison ? La liaison de Magda avec Goebbels ? Non, ça n'avait aucune importance. Si Hitler l'avait voulu, Goebbels se serait effacé. Donc là ne se trouve pas la véritable explication. Hitler, c'est en tout cas la thèse que tous ses turiféraires ont colporté, ne voulait se consacrer qu'au service de l'Allemagne. Il avait fait le don de son corps à l'Allemagne, comme plus tard Pétain a fait le don du sien à la France. Hein. Oui, enfin, si vous voulez. Ça excluait donc tout mariage. Ouais. Ben, il s'est quand même marié à Eva Braun. Oui, enfin, juste avant leur suicide commun en 1945. Autant dire que ce mariage était uniquement virtuel. En vérité, ce vœu de fidélité à l'Allemagne et à elle seule devait arranger Hitler. Là encore, je ne veux pas faire du roman feuilleton, mais vous savez tout ce qu'on a raconté sur la sexualité du Führer. Son éventuelle impuissance. Ou même ses pulsions refoulées homosexuelles, ou encore son possible goût pour la scatologie. Et puis on a aussi beaucoup glosé sur ses curieux rapports. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grimm was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close to. There are some clues about Grimm's graves in the countryside nearby. A ruined castle. A church next to it in the village of Wheating. A ruined priory at Thetford. It's the material they're built out of which is important. Flint. It's a strange mineral, a bit like glass or stone. White and chalky on the outside, it's hard and shiny when split. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grimm was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close to. There are some clues about Grimm's graves in the countryside nearby. A ruined castle. A church next to it in the village of Wheating. A ruined priory at Thetford. It's the material they're built out of which is important. Flint. It's a strange mineral, a bit like glass or stone. White and chalky on the outside, it's hard and shiny when split. À propos de la réalité des rapports entre Magda Goebbels et Adolf Hitler. Quelques exemples, et d'abord celui de la comédienne Anneliese Ullig. On l'appelait la première dame du régime. Et à juste titre, c'était non seulement la seule dame, mais aussi la seule femme qui ait joué un rôle public à côté de l'un des hommes les plus haut placés et les plus influents. Hitler n'avait pas à ses côtés de personne féminine reconnue ou officielle. Autre témoignage, celui d'Otto Fackner, chef d'état-major de la SA et conseiller économique d'Hitler. Elle est devenue quelque chose comme l'autre moitié d'Hitler. Les deux moitiés se sont assemblées et maintenues. De son côté à elle, ce fut le résultat d'une volonté sacrée de servir et d'accomplir son devoir supérieur. Quant à Magda elle-même, voici ce qu'elle a confié à une autre égérie de Hitler, la cinéaste Leni Riefenstahl. « J'aime aussi mon époux, mais mon amour pour Hitler est plus fort. Pour lui, je serais prête à offrir ma vie. J'ai compris qu'Hitler, en Migueli, sa nièce, ne pouvait plus aimer une femme, que son seul amour, comme il le dit toujours, était l'Allemagne. Alors seulement j'ai accepté d'épouser le docteur Goebbels. Désormais, je pourrais être prêt du Führer. » Autant de citations que j'ai trouvées dans le livre de Guido Knopp sur les femmes d'Hitler, publié chez Payot. Hitler s'entiche donc de Magda. Mais décemment, la jeune femme ne peut plus être seulement la maîtresse de l'un de ses principaux collaborateurs. Ah, il faut qu'elle se marie. Exactement. Ouais. C'est une exigence d'Hitler qui a entamé sa longue marche vers la chancellerie. Ouais. Et les deux amants obtempèrent. Bah, il leur est difficile de refuser, surtout Goebbels. Pourtant, il est à peu près sûr que le propagandiste en chef du parti nazi aurait préféré le statu quo. Parce que s'il est sincèrement épris de Magda, il n'a pas pour autant l'intention de renoncer à papillonner ici ou là. Il a d'ailleurs prévenu sa future épouse. Après son mariage, il ne changera rien à ses habitudes. Et Magda a accepté. Oui, oui, parce que l'essentiel pour elle, c'est déjà sa proximité avec Hitler. Hitler qui sera le témoin de mariage du couple. Un détail important à propos de ce mariage. Il est célébré à Séverine, la localité où se trouve cette propriété appartenant à Günther Kant. Ouais. Et dont peut disposer Magda, c'est ça. Mmh. Ça veut dire que, quand même, que ce dernier, la Kant, a donné son aval. Oui, oui, puisque la réception qui suit est organisée chez lui. Au reste, la jeune femme a tenu à lui présenter celui qui n'est encore officiellement que son fiancé. Visiblement, Kant, qui avait d'abord nourri de grandes préventions contre la liaison de son ex-épouse avec Goebbels, a changé d'avis. Et ne considère plus les nazis comme des gens infréquentables. Ah, il va être rejoint par de nombreux autres grands patrons allemands qui vont très bien s'accommoder de l'arrivée au pouvoir de Hitler et de sa clique. En effet. Un dernier détail à propos de ce mariage. Le choix de la propriété de Kant ne doit rien au hasard. Expliquez alors. Les époux ont fait le choix de la discrétion en se mariant à la campagne et non pas à Berlin où ils résident. Car un journal hostile à Hitler a déjà titré « Le petit chef nazi » épouse une juive. Ce qui est faux, mais enfin, il fait référence au patronyme juif de son beau-père. Ça montre en tout cas que Magda n'a pas réussi à biffer tout son passé. Et pour Goebbels, héros de l'antisémitisme, la menace demeure. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est qu'on déterre l'attachement amoureux qui a autrefois uni son épouse au dirigeant sioniste Viktor Alossorov. Un homme qui n'a cessé de prendre de l'importance au sein de la communauté juive déjà établie en Palestine. L'ancien amoureux de Magda Friedlander est en effet devenu l'un des leaders du parti travailliste et de sa branche la plus à gauche, le MAPAI. Mmh. Lui, alors, n'a donc pas renoncé à son idéal de jeunesse, hein? Ah, bien au contraire. Et au début des années 1930, Alossorov est même nommé à la tête du département des affaires étrangères de l'agence juive. Il a donc presque rang de ministre. Et à ce titre, cet ami de Ben Gurion et de Westman, qui sera le premier président de l'État hébreu, va revenir en Allemagne en 1933. Avec quelle mission alors? Il est chargé d'œuvrer à la récupération des biens juifs en Allemagne dans le cadre d'accords de transfert passés avec le pouvoir. Le pouvoir nazi? Oui. À la faveur des élections législatives du début de l'année, Hitler a été nommé chancelier. Alossorov doit aussi s'occuper d'organiser l'immigration des juifs allemands. Il faut d'abord dire que ces initiatives sont assez mal vues par une partie de l'opinion juive de Palestine, ceux qu'on appelle les révisionnistes. Et Alossorov est particulièrement visé. D'autre part, vous l'imaginez bien, ses contacts avec les autorités allemandes sont particulièrement difficiles. Car les nazis, dès qu'ils arrivent au pouvoir, mettent en place les premières mesures antisémites. Et lui-même, alors, en tant que juif allemand, court des risques en Allemagne, non? C'est certain. Aussi a-t-il l'idée de contacter Magda, qui peut-être pourrait l'aider. Car il sait qu'elle est mariée à Goebbels? Il l'a découvert, non sans ressentir un véritable choc en arrivant à Berlin. Une photo de magazine affichée à la devanture d'une boutique. Et une photo qui représente le couple. Hein. Mm-hmm. Magda est donc mariée, c'est ce qu'il découvre, à l'un des pires ennemis des Juifs. Mais le dirigeant sioniste se dit malgré tout que la jeune femme n'a pas pu tout oublier. Il doit lui rester quelque chose de son ancienne sympathie pour les Juifs. Et puis les deux jeunes gens n'étaient-ils pas amoureux l'un de l'autre? Alors, il essaye de la joindre au téléphone. Il réussit? Oui, Et il se fixe même un rendez-vous, mais Magda ne vient pas. Alors que s'est-il passé là? Bon, autant qu'on puisse le savoir, elle lui aurait fait passer un message. Elle ne peut pas le rencontrer, ce serait trop dangereux pour elle. Dangereux, car quoi, ça compromettrait surtout son avenir au sein des cercles nazis? Bien sûr, c'est ce que je pense. Mais dans le même message, elle conseille aussi fermement à Victor de quitter au plus vite l'Allemagne. Ah oui, parce que lui, il court un danger. Effectivement. Ouais. Bah, n'oubliez pas que les nazis, Goebbels en tête, procèdent dès le printemps 33 à des autodafés d'œuvres juives. Victor Alossorov prend donc très au sérieux l'avertissement de Magda et fuit l'Allemagne au plus tôt. En juin, il est de retour en Palestine. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il se promène en fin de soirée sur une plage de Tel Aviv en compagnie de son épouse, il est abordé par deux inconnus. L'un d'eux sort une arme et tire à bout portant. Victor Alossorov, 34 ans, dirigeant juif promis à un brillant avenir, meurt presque aussitôt. Alors d'où vient le coup? Sur le moment, la police britannique... Oui, parce qu'il faut rappeler que la Palestine se trouve alors sous mandat britannique. Oui, donc la police a interpellé deux juifs extrémistes, mais ils ont fini par être disculpés. Des Arabes palestiniens ont aussi été soupçonnés. Et peut-être s'agissait-il vraiment des tueurs. Mais qui étaient les commanditaires? C'est la question essentielle. Ouais. Bah, vous connaissant, je pense que vous avez votre petite idée. Oui, je ne suis pas le seul à défendre cette thèse. Il n'y a pas si longtemps, un journaliste du quotidien israélien Haaretz est parvenu aux mêmes conclusions que les miennes. Alors quoi? Je crois, et j'en suis à peu près sûr, qu'il faut chercher du côté de Goebbels. Et je vous explique. D'une part, le mari de Magda a certainement eu vent de la tentative de rencontre entre son épouse et ce dirigeant sioniste. D'autre part, il avait tout à craindre d'une éventuelle indiscrétion de ce dernier. La révélation de leur amourette. Et par conséquent, il a choisi la solution la plus radicale pour évacuer une fois pour toutes le problème. Problème, oui. Là, j'ai quand même des doutes, moi. Goebbels avait sans doute le bras long, mais surtout depuis que son mentor Hitler s'était emparé du pouvoir, mais... Commanditer un assassinat en Palestine, quand même. Eh bien, détrompez-vous. Il existait une cellule nazie en Palestine. Et puis, n'oubliez pas que, plus tard, le grand mufti de Jérusalem sera un allié d'Hitler. Donc, il n'a pas été trop difficile de trouver des tueurs susceptibles d'assassiner un dirigeant sioniste de premier plan. Oui, mais vous n'avez pas de preuves. Bon, on trouve rarement des preuves dans ce genre d'affaires. Mais après tout, pensez ce que vous voulez, moi. Ma conviction est faite. Avec... L'accession d'Hitler au pouvoir, Goebbels devient un personnage incontournable du régime nazi. Hitler, vous le savez, lui confie un secteur très important, la culture et la propagande. Goebbels a donc la haute main sur la radio, le cinéma, l'édition. Ouais, son pouvoir est donc considérable. Et Magda peut donc enfin briller. Elle est alors au firmament, devient l'incarnation vivante de la femme allemande et est célébrée en tant que telle par Goebbels, qui met en scène son existence, mais aussi par Hitler, qui ne rate jamais une occasion de la mettre en avant. Mais il faut dire qu'elle y met du sien. Elle va donner 6 enfants à son époux, 5 filles et un garçon. Autant de maternité qui ne l'empêche pas de faire assaut d'élégance avec les autres femmes qui tournent autour du Führer. Ouais. Et Goebbels continue, lui, de faire des conquêtes féminines? Bien entendu. Ça ira même très loin, puisque sa liaison avec une belle actrice tchèque fera scandale. Hitler devra lui-même intervenir à la fois pour chasser l'intrigante et éviter que le couple Goebbels ne se sépare. Hitler, conseiller conjugal. C'est à peu près ça. Et Goebbels rentre dans le rang? Ah, il est obligé de rompre avec sa vedette de cinéma. Pour le reste, il demeure fidèle à ses habitudes. L'existence du ménage Goebbels est donc traversée de crises plus ou moins violentes et, en ce qui concerne Magda, de périodes dépressives et de quelques accros au contrat de mariage. Et cela jusqu'à la fin. Ouais, c'est-à-dire jusqu'au double suicide dans le bunker de la chancellerie. En mai 1945, oui. Un épisode monstrueux, puisqu'avant de se tuer, Magda a empoisonné les 6 enfants que lui a donné Goebbels. Un suicide, comment dirais-je, idéologique? Les Goebbels ne veulent pas connaître un monde sans nazisme. Ouais, d'autant que... S'ils avaient survécu, on leur aurait demandé des comptes, hein, comme aux autres dignitaires nazis. C'est évident. Ils ont préféré périr dans la catastrophe, à la différence de tous ceux qui ont profité du régime. À commencer par les principaux acteurs économiques, dont un certain Günther Kant. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grimm was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close too. There are some clues about Grimes' graves in the countryside nearby. A ruined castle. A church next to it in the village of Wheating. A ruined priory at Thetford. It's the material they're built out of which is important. Flint. It's a strange mineral, a bit like glass or stone. White and chalky on the outside, it's hard and shiny when split. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grim was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close to. There are some clues about Grimes' graves in the countryside nearby. A ruined castle. A church next to it in the village of Wheating. A ruined priory at Thetford. It's the material they're built out of which is important. Flint. It's a strange mineral, a bit like glass or stone. White and chalky on the outside, it's hard and shiny when split. A numerous people lived here with the cares and worries of the pasture, of milk, of meat, and young cattle, and the problems of the tribe were discussed. Hello Kant, belle-sœur de Magda Goebbels, a posé sa confession. Elle a essayé en vain de la dissuader de se tuer et d'empoisonner ses enfants. À partir de ses souvenirs, les An album on the stone of a humanity so far away and yet near. Pictures which we think we recognize in the long night of shadow within every one of us. Peu importe ce qui s'est passé, Joseph est mon époux. Il est de mon devoir de lui conserver ma fidélité, ma vraie To paint, the colored stone or ochres were ground to powder. This powder was mixed with water or milk and applied with a brush. The color penetrated the porous rock and thus it could not be effaced by wind, nor rain, nor the centuries. De toute façon, payer le crime de ce qu'elle réfute, mais en vain. La réponse de Magda va prouver qu'elle connaît l'ampleur des atrocités commises par les nazis et comment elle les a occultées tout en se sentant responsable. N'oublie pas, Hello, ce qui s'est passé. Te souviens-tu, j'étais bouleversé en te racontant autrefois que le Führer, alors que nous étions au café Anast à Munich, avait déclaré en voyant un petit garçon juif vouloir l'écraser au sol comme une punaise. Tu ne t'en souviens pas ? Je ne pouvais pas le croire. Je croyais qu'il disait cela par pure provocation. Mais par la suite, il l'a vraiment fait. Des choses indicibles, tant elles sont horribles, ont été commises par un système auquel j'ai moi aussi adhéré. Un tel désir de vengeance gronde dans le monde. Je ne peux pas faire autrement. Je dois aussi emmener les enfants, je le dois. Günther Kant, je vous l'ai dit, a observé avec une certaine réserve l'ascension des nazis. Ça comprend. Les méthodes brutales des nazis ne pouvaient que révulser ce grand bourgeois protestant. Oui, mais il a rapidement mis de l'eau dans son vin. Et après des rapports plutôt rugueux avec Goebbels, il a fini par courber les chines. There have been theories about this place for thousands of years. It was the Anglo-Saxons who gave it its name. Grim was one of their gods, and graves, well, that just meant a hole in the ground in their language. These holes may look strange from the air, but they look even more mysterious when you see them close to. There are some clues about Grimes' graves in the countryside nearby.

Il faut le dire tout de suite, ce ne sont pas seulement les Allemands eux-mêmes qui portent la responsabilité de cet état de fait. Ce sont les Alliés qui ont trop souvent fermé les yeux. À cause de la guerre froide, j'imagine. Et de la préservation de certains grands intérêts économiques qui dépassaient largement les frontières. Les Américains, par exemple, étaient très impliqués dans certains secteurs industriels. Alors, pour masquer cette clémence, on a inventé toute une échelle de responsabilité. Günther Kant a été, lui, rangé dans la catégorie des suiveurs. Les suiveurs, ça signifie quoi, ça? C'est très subtil. Les suiveurs n'étaient pas considérés comme des nazis convaincus. Ils n'étaient même pas considérés comme authentiquement coupables. C'était au fond des gens normaux qui n'avaient fait que vivre et travailler pendant la période nazie. Je veux bien, mais enfin, les Kant, en utilisant de la main-d'œuvre forcée, sont allés bien au-delà. Hein. Certainement. Mais ils ont dû bénéficier de puissantes protections. Il faut noter par exemple que les usines Kant situées dans le secteur britannique ont recommencé à tourner quelques semaines à peine après la fin de la guerre. Des piles AFA, qui vont bientôt s'appeler Varta, sont ainsi sorties des usines au milieu des décombres. En outre, le groupe a bénéficié de solides facilités bancaires, ainsi l'effacement de certaines dettes. Ouais. Mais le chef du clan, là, Günther, n'a jamais eu affaire à la justice ? Si. En 1946, on s'est enfin intéressé à lui. Il a été interné avant d'être assez rapidement libéré. Et on en est resté là. Pour sa défense, il a prétendu qu'il avait été poursuivi par les nazis, alors même qu'il siégeait dans les conseils d'administration des principales firmes allemandes sous Hitler. Non, je vous l'ai déjà dit, la clémence dont on a fait preuve à son égard ne peut pas s'expliquer sans les protections qui lui ont été accordées. Ouais. Alors, revenons quand même à cette accusation que vous avez portée là contre les Britanniques. Il faudrait m'expliquer pourquoi. Après tout, les Anglais avaient peut-être besoin de piles. Bon, je plaisante à peine. Hein. Les Kant étaient certainement en possession de quelques secrets industriels qu'ils ont été peut-être amenés à partager avec des entreprises installées de l'autre côté de la Manche. À moins que de puissants intérêts financiers n'aient été mis en avant pour justifier cette magnanimité. En tout cas, la prospérité des Kant, un instant ébranlée par la chute du Reich, a rebondi après-guerre. Et elle ne s'est jamais démentie depuis. Oui, surtout avec le rachat de BMW en 1959. Et dans cette reconquête industrielle et financière, les deux fils Kant ont joué un grand rôle. Surtout Herbert, le fils aîné, mais aussi Harald. Harald, le fils de Magda Goebbels. Hein. Le seul survivant de ses enfants, mais qui se tuera en 1967 dans un accident d'avion. Un dernier mot, si vous voulez. Sans doute pensez-vous que l'histoire des Kant est d'abord une affaire allemande, seulement allemande. Eh bien, détrompez-vous. Pendant la période de l'occupation, les Kant se sont aussi intéressés à quelques entreprises françaises. En vue de les racheter ? Oui, et c'était la plupart du temps des firmes qui avaient appartenu à des Juifs. Ouais. Des Juifs dépossédés de leurs biens par l'État français. Hein. Mais pour s'en rendre propriétaires, les Kant ont dû ruser. En effet, selon une directive de Maurice Couve de Murville, qui était alors un haut fonctionnaire de Vichy, seuls de bons Ariens français pouvaient se porter acquéreurs. Alors, il a fallu passer par des intermédiaires et s'assurer la complicité d'une banque française, la Société Parisienne de Banque. C'est ainsi que de grosses entreprises de notre pays rachetées en sous-main par les Kant ont participé à l'effort de guerre nazie. Les dernières informations fournies par M. X au sujet des entreprises françaises arianisées et récupérées par Kant sont confirmées par un livre très dense et très précis d'Annie Lacroix-Rise, paru en 1999 chez Armand Collin. À noter également, Histoire d'un Allemand, souvenir 1914-1933 de Sébastien Hafner chez Babel, la collection Poche d'Actes Sud, un livre formidable. Et une biographie de Goebbels de Lionel Richard à paraître bientôt chez André Versailles, éditeur. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous. Et merci à Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, un bol d'air, c'est au demande amour de Denis Chessou. France Inter.